الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن مريم بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة 23 نبيا ورسولا نبي بقرأ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نعم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. Donc nous allons voir l'explication en français ou l'approche des, en français de, du texte qu'on vient de voir du Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah. Il dit le troisième principe qui est la connaissance de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est Mohammed fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Lequel, Hashim, est de la tribu des Quraysh. Et Quraysh fait partie des Arabes. Et ceux-ci sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, Al-Khalil, l'intime d'Allah. Puisqu'il bénéficiait, lui et notre prophète Mohammed, des meilleures grâces et de la paix. Il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, dont 40 avant la mission, et 23 en tant que prophète et messager. Il a reçu sa première prophétie, révélation divine, par le verset « Lis au nom de ton Seigneur ». Puis il fut chargé du message et devint le messager d'Allah par la sourate Al-Mudathir qui signifie « l'envelopper dans ses couvertures ». Sa ville natale est la Mecque. Dieu le chargea de la mission divine de prévenir l'humanité contre le polythéisme et de prêcher le monothéisme, l'unicité d'Allah. L'évidence est dans les citations divines suivantes du Coran. « Ô toi, l'envelopper dans tes couvertures, lève-toi puis avertis et exalte la grande magnificence de ton Seigneur. » Et tes vêtements purifient et abandonne définitivement les impuretés et la mécréance et n'offre pas de donation avec l'idée préconque d'obtenir en récompense plus qu'il ne faut et patiente et endure pour la cause de ton Seigneur. Sourate 74 verset 1 à 7. La signification de lève-toi puis avertis veut dire préviens l'humanité contre le polythéisme et invite-les au monothéisme. Et exalte la grande magnificence de ton Seigneur signifie glorifie Dieu par la reconnaissance de son unicité. Et tes vêtements purifient signifie purifie du polythéisme des actes qui te couvrent. Et abandonne définitivement les impuretés et mécréances signifie abandonne l'adoration des idoles ainsi que leurs adeptes et disciples et éloigne-toi d'eux pour t'innocenter d'eux et de leurs partisans. Il passa ainsi 10 années prêchant le monothéisme, et après cette décade, il passa ainsi dix années prêchant le monothéisme. Donc on reprend. Donc قال المصنف الأصل الثالث, donc c'est le troisième fondement, hein. Donc on avait vu que le livre est basé sur trois fondements. Le premier qui est la connaissance du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est la connaissance de l'islam. On avait vu avec un aperçu sur les cinq piliers et leurs évidences divines. Et puis le troisième, c'est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour compléter les trois questions qui sont posées à l'être humain dans sa tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu sur cet homme-là qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc alors c'est le troisième fondement. Ma'arifatu nabiyyikum Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la connaissance de votre prophète, qui est notre le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Ibn Baz hafidhahullah dit: wa hadha huwa al-asl al-thalith. Et voilà le troisième fondement, la troisième source. Wa huwa ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ala al-insani an ya'rifa nabiyyahu alladhi arsalahu Allah ilayhi. Donc l'homme doit connaître, doit chercher à connaître son prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers lui. وَبَلَّغَهُ الرِّسَالَةِ, à qui il lui a transmis le message. وَبَيَّنَ لَهُ الشَّرَائِعَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَا, et il lui a démontré, il lui a montré les ordres divins, les lois divines, les législations divines qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. وَأَوْضَحَ لَهُ الْعِبَادَةَ الَّتِي خَلَقَنَا اللَّهُ لَهَا, et il lui a montré clairement, hein, il lui a démontré l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour. L'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il l'a montré à son prophète pour qu'il nous l'enseigne. Ça on l'avait déjà vu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'adore. C'est la cause et la raison pour laquelle il nous a créé. Mais comme lui il veut. Et comme lui il veut, il l'a enseigné, il l'a montré, démontré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il transmette ce message-là à la communauté. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ بن باز حفظه الله: هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام. سبقفت له سي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. Donc le sceau des prophètes. ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس. Et le messager d'Allah pour cette communauté, les hommes et les djinns. Donc il a été envoyé aux deux créatures qui sont les hommes et les djinns. أرسله الله للناس جميعا. Allah l'a envoyé à tous les gens. Il n'a pas envoyé à un peuple et pas pour d'autres peuples. Ça c'est une des spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes d'avant étaient envoyés à leur peuple. Chaque prophète est envoyé à son peuple. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, lui, parmi ses spécificités qu'Allah lui a données, c'est qu'il a été envoyé vers tout le monde. قال تعالى, le Très-Haut a dit: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dit Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète alayhi wa sallam, dit: ô Mohammed, ô vous les gens, certes je suis le messager d'Allah envers vous tous. وقال سبحانه, et le très glorifié dit: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Et nous ne t'avons envoyé que vers tout le monde. Comme quoi? Comme annonciateur et comme avertisseur. Al-Bashir, celui qui ramène la bonne annonce. Le Naam. Wal-Nadhir, c'est celui qui avertit. D'accord? Donc, comme annonciateur et avertisseur. La bonne annonce c'est quoi? C'est tout ce qui emmène vers le paradis. Et l'avertissement c'est contre tout ce qui emmène vers l'enfer. فاسمه محمد. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mohammed. واسمه أحمد. Il s'appelle aussi Ahmed. واسمه الحاشر. Il s'appelle aussi الحاشر. والماحي والمكفي ميم قاف الفولية المقفي مو ليا مقفى بالدار المقطين والمقفى لأنه خاتم الأنبياء car il est le sceau des prophètes وهو نبي التوبة et c'est le prophète du repentir ونبي الرحمة et le prophète de la miséricorde ونبي الملحمة محمنا الحرب et le prophète de la bataille. Il faudrait voir ce que Mahama veut dire bataille, peut-être qu'il voudrait dire autre chose. Là pour l'instant c'est le sens qui me vient. هذه كلها أسماءه عليه الصلاة والسلام. Tout ceci, tout ce que vous venez de citer, ce sont des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou des surnoms à lui. لكن أشهرها وأفضلها, mais le plus répandu et le meilleur de ces noms, وأعظمها, et le plus grand de ces noms, Mohammed. C'est Mohammed. الذي سماه به أهله, le nom que sa famille lui ont donné. وجاء به القرآن et qui a été cité dans le Coran. قال تعالى notre roi dit محمد رسول الله, محمد est le messager d'Allah. وهكذا أحمد, et de même pour أحمد, كما بشر به عيسى, comme عيسى l'a annoncé, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, et vous annonçant d'un messager qui vient après moi, il s'appelle أحمد, comme c'est cité dans le Coran. فهو محمد, donc c'est Mohammed, وأبوه اسمه عبد الله, et son père, son nom c'est عبد الله, وجده اسمه عبد المطلب, et son grand-père il se nomme عبد المطلب, وعبد المطلب لقب, mais عبد المطلب c'est un surnom, c'est pas son nom que sa famille lui a donné, c'est un surnom plus tard qu'on lui a donné. وإلا فاسمه شيبة, sinon son vrai nom c'est شيبة, عبد المطلب son vrai nom c'est شيبة, وأبو جده et son arrière grand-père اسمه هاشم, il s'appelle هاشم, وهو سيد من سادات قريش, et c'est un grand parmi les grands de Quraysh, un chef parmi les chefs de Quraysh. كما أن عبد المطلب كذلك, et de même c'est de même pour عبد المطلب, c'était un des grands chefs parmi les grands chefs de Quraysh. وهاشم من قريش, et هاشم qui est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de la tribu de Quraysh. وقريش قبيلة عظيمة, Quraysh est une grande tribu, وهي أفضل العرب, et c'est même la meilleure des Arabes. والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش, et le prophète sallam il fait partie de, dans cette tribu de la meilleure famille qui sont les descendants de Hashim, Banu Hashim. Quraysh la meilleure tribu des Arabes et Banu Hashim c'est la meilleure famille de la tribu de Quraysh. وهم أفضل قريش, c'est les meilleurs de Quraysh. واسمه فهر ابن مالك, فهر, et le nom de Hashim c'est فهر ابن مالك, فهر le fils de Malik. وقيل قريش, et il est dit que le nom قريش هو النضر ابن كنانة, c'est un surnom de النضر ابن كنانة, ابن كنانة, النضر fils de كنانة. جد فهر ابن مالك, qui est le grand-père de فهر ابن مالك, on a vu que c'était, son surnom c'était quoi? فهر ابن مالك c'était هاشم, d'accord. وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح, يعني أصلا ما هم عرب, هو جاي من الشمال, لكن ما سبوا ديفرنسي entre les arabes, ceux du Yémen, ceux du nord, ceux du sud. Donc ceux-là, ceux qui sont du sud, comme il dit le frère Abdullah, on les appelle Arab Musta'ariba. Musta'ariba, le nom qu'on leur donne. Donc, et qu'ils avaient un langage arabe clair. فهي أكثر عروبة من قحطان. Donc ils sont plus arabes que les tribus de Qahtan. ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة. Et c'est pour ça qu'on dit العرب العاربة والعرب المستعربة. Les uns on les appelle العاربة et les autres on les appelle المستعربة. وهم من ذرية إسماعيل. Et ils sont parmi les descendants de Ismaïl ibn Ibrahim al-Khalil, fils d'Ibrahim. Hein? Donc on reprend là, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة. Il est mort à l'âge de 63 ans. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait 63 ans. منها 40 قبل النبوة. Donc avant qu'il soit prophète, il a vécu 40 ans. 40 ans il les a vécu avant la prophétie. وَثَلَاثٌ نَبِيًّا وَرَسُولًا. Et 23 ans en tant que prophète et messager. نُبِّئَ بِقْرَأْ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرْ. Il est devenu prophète par la révélation Iqra, lis au nom de ton Seigneur, la première révélation. Et il est devenu messager, hein, par يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ, la sourate Al-Muddathir. Et toi l'envelopper par les vêtements. Avec cette sourate là, قُمْ فَأَنْذِرْ, lève-toi et avertis. Avec cette révélation-là, il est devenu messager. Et on avait déjà vu la différence entre un prophète et un messager. En français, messager, on dit c'est un envoyé, messager. Et le terme prophète, il y en a qui mettent, je crois, le terme apôtre. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment en français. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on a le terme prophète et le terme messager. Le prophète, c'est le Nabi. Le messager, c'est Ar-Rasoul. Alors, il y a une règle générale. Tout prophète n'est pas messager. Mais tout messager est prophète. Parce que pour qu'on devienne messager, il faut qu'on soit prophète avant. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que dans un récit, il est dit qu'il y a eu près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Donc, parmi ces 124 000, il y a eu 313 messagers. Donc tout prophète n'est pas messager obligatoirement, mais tout messager est prophète. Car avant d'être messager, on est prophète. Alors, Cheikh Ben Baz, Hamidullah, il dit وهذا النبي العظيم, et ce grand prophète وهو محمد صلى الله عليه وسلم, qui est Muhammad صلى الله عليه وسلم, نبي بقرة, il est devenu prophète, il a eu la prophétie par la première révélation qui est lit. فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. Donc la première révélation qu'il a reçue, hein, vous connaissez l'histoire, hein, qui est dans la grotte de Hira, c'est lit au nom de ton Seigneur qui a créé. وصار بها نبيا. Et avec cette révélation, il est devenu prophète. وَقَدْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ فِي الْغَارِ. Et c'était l'ange Gabriel, l'ange Jibril, qui était venu à lui, hein, pour lui faire réciter cette révélation dans la grotte de Hira, qui est pas loin de la Mecque. غَارْ حِرَا فَأَقْرَأَهُ هَذِهِ السُّورَةِ. Et il lui a fait réciter cette sourate, les débuts de cette sourate. وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ. Il a été envoyé, il est devenu messager par la révélation de Al-Muddathir, ou toi l'enveloppé par tes vêtements. ثُمَّ, alors Cheikh Ben Baz, il dit ثُمَّ بَعْدَ مُدَّ, puis après un certain temps, يَسِيرَ, un petit temps, جَاءَهُ بِالْمُدَّثِّرِ. L'ange Gabriel est venu à lui avec la révélation de la sourate de Al-Muddathir. فَصَارَ رَسُولًا. Il est devenu messager بِقَوْلِهِ, avec la parole divine, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنْذِرْ. Ôte-toi l'enveloppé par tes vêtements, lève-toi et avertis. Wal-Muddathir al-Multahif. Donc là, c'est une explication du terme Muddathir, c'est celui qui est enveloppé. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا جَاءَهُ الْوَحِي. Car après que la révélation lui soit venue, اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرِ. Il a trouvé la chose très dure. C'était difficile pour lui. وَقَالْ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. Il a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Dessirouni, dessirouni. C'est Zemmilouni ou dessirouni. C'est des synonymes. Dessirouni, dessirouni. Enveloppez-moi, enveloppez-moi. Mais chiddati ma sabahu min al-khawf, par la grande peur qu'il a subie. L'imma d'a'ata alayhi Jibril, alayhi sallatu wa salam, marrafi. pas le fait que Jibril, il l'a serré contre lui trois fois, vous savez. Quand il a dit lui, il a dit je ne suis pas parce que ce qu'il dit pendant trois fois, et après il a dit lui, au nom du Seigneur qui a crié. Il a crié. ثم قال ثم قال في لي اقرا تمهيدا لاعباء الرساله وعظمتها il a dit lui. C'est un préparatif, une préparation, une introduction, hein, pour les charges du message et de la grandeur de ce message. Pour qu'ils s'apprêtent, hein, à ce grand message-là qui va venir. ثم قال الله قم فأنذر فالله lui a dit lève-toi et avertis. أي قم فأنذر الناس c'est-à-dire lève-toi et avertis les gens. وصار رسولا بأمره بالنذارة et il est devenu messager par l'ordre qui lui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala d'avertir. وربك فكبر et grandis ton Seigneur. أي عظمه بالتوحيد c'est-à-dire grandis-le par l'unicité en lui faisant preuve d'unicité. وثيابك فطهر et tes vêtements et purifie tes vêtements. أي طهر أعمالك من الشرك c'est-à-dire purifie tes actes du polythéisme. لأن تطهير الملابس غير مراد في هذه الآية car le nettoyage, la purification des vêtements, ce n'est pas que ce qui est recherché par ce verset-là. C'est plutôt les œuvres, les actes, de les purifier de tout polythéisme et de toute association. لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت car la salat n'avait pas encore été rendue obligatoire. فالمراد هنا الأعمال. Donc ce qui est voulu ici, hein, le sens voulu ici, c'est les actes, les œuvres. كما قال تعالى, comme le Trois a dit, ولباس التقوى ذلك خير. Hein? Et les vêtements de la piété, ceci est bien meilleur. فالعمل يسمى لباسا. La pratique, l'acte, on appelle ça un vêtement. Ça s'appelle un vêtement. والرجز فهجر et abandonne définitivement les impuretés et la mécréance. فالرجز الأصنام الرجز ce sont les idoles. وهجرها et de s'en éloigner c'est-à-dire تركها de les délaisser. والبراءة منها وأهلها et d'être innocent hein, de ces idoles-là et de ceux qui prient ou qui adorent ces idoles-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'athahu Allah bin nazarati 'an ash-shirk wa yad'u ila at-tawhid. Voilà, ça vient de traduire, j'ai traduit tout à l'heure le texte, d'accord. Wa dalil qawluhu ta'ala ya ayyuha al-muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد تساون له جزء فوق هم الذي نتخذ مش فاهم فلا فاهم كل تخذ لا وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد قال شيخ بن باز حفظه الله أخذ على هذا الأمر 10 سنين donc il restait sur cet ordre là pendant 10 ans يدعو إلى التوحيد il invite, il appelle à l'unicité, ويحذر من الشرك et il avertit contre le polythéisme, ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه et il ordonne d'enlever, de s'éloigner de toute adoration à autre qu'Allah, glorifié soit-il, وترك عبادة الأصنام والأوثان et de délaisser, de lâcher l'adoration des idoles et des statues, ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة et il leur ordonne de spécifier Allah dans l'adoration, fi du'a'ihim, dans leurs invocations, wa nazrihim, et dans leurs vœux, وذبائحهم et dans leur immolation وغير ذلك et bien d'autres choses. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.